C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Et juste avec la lune, en fait, on y va super bien. C'est un bon moment, le lever du jour, parce que c'est souvent, t'apprends encore à attaquer vraiment les difficultés, ou alors, c'est souvent un très très bon moment. Ouais. D'un seul coup, tu vois toute cette beauté qui est là, t'as fait tout un chemin, tu sais pas trop où t'es, parce que c'est vachement difficile, finalement. Tu pars de nuit, tu vas faire un truc, et si tu vas faire une montagne qui est dans les autres montagnes, il fait nuit, quoi. Alors, des fois, tu peux te gourer, hein, parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Tu marches un peu à l'instinct, quoi. Ta vie se limite à ta frontale, là. C'est un petit peu réduit comme truc. Et donc là-haut, c'est quoi? C'est à 2000, là? 2050. Premier belvédère de la vallée d'Ossau. On devrait avoir une jolie vue sur les gabizots, la moulate, le pic du midi d'Ossau. On devrait le faire. Et on est à combien, là? On est à moins de 1000 mètres. 1100. 900 mètres de dénivelé. Ah, c'est bon, vous avez la caisse. Ça va. Mon père, à l'époque, était président du club alpin quand j'étais petit. Donc, chez moi venaient les grands alpinistes de l'époque. Donc, il venait Gaston Rébuffat, il venait dormir à la maison, manger à la maison, Lionel Thierry, René de Maison. Moi, j'étais tout minot, quoi. Je voyais ces bonhommes, j'étais impressionné, je les écoutais parler. Ce qu'ils disaient, tout ça, ça me touchait plus qu'à la limite que la pratique, quoi. Je trouvais que c'était des sacrés bonhommes, quoi. Là, nous y voilà. On a bien monté, hein? Ouais, ouais. Bah, on a déjà fait 700 mètres de dénivelé. Toujours le crampon droit. Comme je n'ai pas voulu faire guide, j'ai organisé ma vie pour pouvoir faire de la montagne. Donc j'ai fait des petits boulots, des petits ci, des petits... Enfin, j'ai fait tout un tas de choses. Mais je me suis débrouillé pour être un peu libre quand il fallait être libre. Pour obligatoirement le week-end, parce que si la montagne a décidé que le week-end, il ferait pas beau, c'est elle qui commande, quoi. Je vais paraphraser Rébuffat, hein, qui dit il y a l'aiguille du midi, on y va en téléphérique. Donc les gens, ils montent dans le téléphérique, ils arrivent là-haut, waouh, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Il dit oui, mais si tu vas par tes propres moyens, que tu marches pendant des heures, que tu as vécu un moment où tu as transpiré, où tu as eu des doutes, où tu dis mais j'y arriverai pas, puis si, ça y est, je vais y arriver, puis merde, non, si, oui, et puis c'est trop beau, puis tout est beau, et c'est beaucoup plus beau. Et pourquoi, dis-je, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est bon, j'ai vu. Aïe. Petit câblé dans la fissure. Voilà. Et on teste le câblé. Génial, ça tient. Ok, relais, tu peux venir. Je pense que la cordée, c'est une histoire de confiance, voilà. Si tu pars avec quelqu'un et que tu sens pas, t'es pas un premier de cordée, t'es un premier de cordée de merde, et la cordée, c'est de la merde aussi, quoi. Quand t'es avec un second de cordée, au contraire, il te fait même faire des prouesses, parce que tu te sens bien avec lui, tu sais qu'il sait faire, qu'il fait ce qu'il faut quand il faut, t'as même pas besoin d'en parler, donc t'y vas, quoi. Que si t'es avec quelqu'un, tu sais pas comment il va t'assurer, tu sais pas s'il va te lâcher la corde quand t'en vas en avoir besoin, parce que toi... Il va te faire tomber, quoi. Donc je pense que c'est un tout, quoi. Et viens ici et tu vas t'accrocher sur le relais. un petit câble. Rien, hop, c'est bon. Tu dois avoir le frien et le câblé. Ok, tu dois avoir un tout petit mousqueton. J'en ai plein. Je vais reprendre la dégaine sans. Super. Et on fait pareil dans la cordée, je repars. Et tu m'assures, tu vérifies que la corde elle défile bien, qu'il n'y ait pas de nœud. Et quand je serai arrivé en haut, je fais mon relais. Et quand je dis relais, c'est-à-dire que toi, tu es pris en sécurité en haut, donc tu peux te détacher de la sécurité d'en bas et partir. Comme moi, je fais ça depuis longtemps, je suis arrivé à une période dans l'alpinisme, il fallait vraiment en vouloir parce que c'était très médiatisé, et médiatisé du style de maison, c'est le mec, c'était toujours morbide. Tout le monde était mort, c'était deux maisons qui sortaient vivants du truc, quoi. Celui qui arrivait au sommet, c'était presque le survivant, quoi. J'exagère presque pas, hein. Et le premier de cordée, il avait rien, l'autre, il était lévi. Puis je l'ai, on l'amputait, on lui coupait les ongles, les doigts, les pieds, les machins. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Ouais. Je pense qu'une cordée, c'est une réussite, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire, quand on arrive au sommet, on se fait la bise. Allez, tape bien. Attends, faut que j'arrive à... Vas-y, prends ton temps. À passer. C'est normal, faut que la corde soit bien tendue. C'est notre sécurité. Corde tendue égale sécurité. Ok, et là, faut que j'arrive à monter mes pieds, c'est assez haut. Ouais, prends ton temps, vas-y, c'est tendu, c'est bon. Sur mes piolets qui tiennent. Ouf, voilà. Tu la sens, la motte de terre gelée, ça tient. Donne bien tes pointes avant de crampon. Pas sur le côté, sur les pointes avant. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, toute ta sécurité, c'est ton planté de piolet. Il faut vraiment bien. Bien. C'est bon. Nickel. Et bon, effectivement, moi aussi, j'ai bien aimé chercher le toujours plus aussi, quoi. Mais après, c'est un peu une drogue aussi, il faut faire attention. C'est vrai qu'arrive un moment, j'ai vécu des trucs où tu t'en fous de mourir, quoi. Tu dis, moi, enfin, presque... Et là, je pense que c'est pas très bien, ça, quoi. Je veux dire, c'est plus... le plaisir, il est où, là? Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fous, là, quoi? C'est de la glace, machin, je peux plus faire demi-tour. J'en peux plus, c'est pas les bonnes conditions, je suis con, j'ai voulu me prendre pour je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que je fous là, espèce de petit con, à faire des trucs à ton niveau, retourne chez ta mère, que tu t'as rien à faire ici, c'est pas pour toi. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé, je souhaite pas que ça arrive, c'est pas une fierté, quoi. C'est pas très malin. Hein. Ok, la fissure est bouchée au bout. Donc c'est pas bon. Donc là, tu essaies de creuser la fissure avec... Ouais, d'enfoncer un piton pour faire un deuxième point, un relais, c'est-à-dire on le fait toujours sur deux points. Et là... Ah, c'est pas top. Et quand t'es encordé, putain, c'est pas évident de dire à l'autre, bon là, j'en peux plus, je vais mourir, toi aussi. Hein. Donc, mais non, je pense que le copain, ça sert vachement. Tu dis non, je peux pas mourir. Hors de question, je laisse le copain ou la copine, je sais pas qui. Donc ça t'aide à te calmer, à assumer finalement. Et finalement, tu finis par t'en sortir parce que merde, quoi. Mais c'est bon, tu ouvres des portes qui sont pas... qui sont un peu bizarres, hein, quand même. Allez, les derniers mètres. On reste hyper concentré. Hyper concentré. Putain, merci, Fanfan. Il avait dit que la vue était belle. Ah ouais, quand même. Ça pète, hein. Waouh. Ça pète. Hop, hop, hop. Putain. Je peux mettre juste là. Belle méda. Ben Meda, Pic du Gers, Hakim le Berbère, la moulade derrière qui dépasse. Là ? Ça c'est magnifique. Ouais, derrière, là. Hakim le Berbère. Là. Moi j'aurais plutôt dit que c'était là-bas le pic des Coutiettes. Non, non, c'est celui-là. Là. Tu le premier, la face, ah oui, c'est le Pen Meda, tu sais, qui est tout seul. Et l'arête, la taillante Pen Sarrière, là. Ah oui. Qu'on voit. La moulade derrière qui dépasse. Ah oui. Rognon du Gers, regarde ce que vous avez fait, là, ta face, là. Ah oui. Et l'osso, le Jean-Pierre. Oh putain, c'est beau.